الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون ويعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Donc on va continuer les frères sur l'explication de la muqaddima d'Ibn Abi Zayd. Donc la fois passée on s'est arrêté lorsque l'auteur dit, notre traduction a rapproché de sa parole dans son écrit, il dit « Et on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. Ceux qui réfléchissent tirent leçon de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. » Et donc la fois dernière, on s'est arrêté lors de l'explication de cette parole. Donc, on comprend ici, c'est très pertinent ce que mentionne l'auteur ici, c'est qu'il dit que on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, c'est-à-dire des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ni englober par la réflexion ce qui le concerne. C'est-à-dire qu'une personne, ce qu'il connaît d'Allah, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a enseigné à son sujet. Ce qu'Allah Jalla wa Ala a révélé à son sujet. C'est-à-dire, ce qu'on connaît de lui, c'est la description qu'Allah s'est fait dans son livre. Subhanahu wa ta'ala. Sinon, en dehors de ces enseignements qu'on a dans le Coran, du fait qu'Allah Jalla wa Ala nous a informé à son sujet, lorsqu'il a mentionné certains de ses attributs. Il nous a enseigné certains de ses attributs et aussi de ses noms. Donc la connaissance qu'on a au sujet du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est ici liée à cet enseignement, à ces informations, à cette description qu'Allah s'est fait dans le Coran, subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si l'auteur dit que les gens ne peuvent concevoir ici, ne peuvent s'imaginer le Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même si une personne réfléchit et médite, il réflexionne, il observe, il fait cette sorte de méditation, il ne pourrait ici englober, par rapport à cette réflexion, il ne pourrait englober ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Ceux qui réellement réfléchissent, ils réflexionnent, ils peuvent réfléchir au sujet des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tirer leçon lorsqu'ils observent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, en méditant, en réfléchissant, en philosophant, ils ne pourront englober ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas faire cela. Ce qu'on sait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah jalla wa ala nous a enseigné. Jalla wa ala. Par contre, alors, l'auteur, ce qu'il dit, il dit par contre, ceux qui réfléchissent, bien, eux réfléchissent en tirant leçon des signes d'Allah. Et comme on avait dit, il cite le terme al-ayat, al-ayat, il y a deux sortes et deux catégories de ayat, de signes. Les signes, on avait dit, universels, et les signes religieux. On peut dire de manière relative, al-ayat al-kawniya, wal-ayat al-shar'iya. Wal-ayat al-kawniya, on avait dit, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ce monde, cette création, tout cela prouve l'existence du Seigneur subhanahu wa ta'ala. tout cela prouve l'existence d'Allah Jalla wa Ala. Et par exemple, si vous parlez par exemple avec un athée et il vous demande des preuves sur l'existence d'Allah, vous pouvez lui répondre que toi-même, ton être, ta personne est une preuve. C'est une preuve prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es toi-même une preuve prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les signes universels ou que ce soit les signes religieux, al-ayat al-kawniyya ou al-ayat al-shar'iyya, kulluha tadullu ala wujudillahi jalla wa ala. Elles prouvent tous ou elles prouvent toutes l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc méditer sur les signes al-kawniyya universels, c'est méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on voit toute cette création, tous ces êtres vivants, que ce soit les êtres humains, l'humanité, ou que ce soit les animaux, terrestres ou marins, en observant le ciel, toutes ces constellations et autres qui font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela prouve l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est des signes. Ensuite, lorsqu'on observe les signes religieux, c'est-à-dire textuel, qui est le Coran, lorsque maintenant on observe, on lit le Coran, on le médite, on réfléchit sur les sens des versets, et bien cela aussi, ces signes, ce sont des signes prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'auteur ici dit « Ceux qui réfléchissent tirent leçon des signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. » Et c'est comme si ici, c'est pour ça que les écrits, comme ces écrits par exemple, l'écrit d'Ibn Abi Zayd, comme d'autres écrits, sont très bénéfiques. Pourquoi ? Parce qu'aussi bien on peut rester sur la parole apparente du shir, qui est simple à comprendre, comme aussi on peut détailler la parole et mentionner aussi ce qui sous-entend. Parce que le shir ici, à travers ses paroles, il sous-entend des choses. Et parfois même dans les paroles, vous allez voir, il réfute. Il réfute des doctrines, il réfute des mauvaises pensées, des pensées déviantes et autres. Et c'est pour cela que ces sortes d'écrits de ces savants sont très bénéfiques dans le sens que on peut lire d'une manière apparente et la parole est très simple et on l'a compris. Si on la comprend bien, on revient aux explications des savants et la parole ensuite est plus claire hein, avec les explications. Comme aussi, sachez que on peut approfondir. Vous pouvez approfondir ici la compréhension et vous verrez que parfois l'auteur va même plus loin. Mais tellement c'est bien dit et tellement c'est dit d'une manière très simple, c'est simplifié que, walillahil hamd, il n'y a aucune confusion lorsqu'on lit ces sortes d'écrits. Pourquoi ? Parce qu'elle renferme la croyance des gens de la sunna. Par exemple ici, lorsqu'il dit on ne peut arriver à décrire la spécificité de ses attributs, ni englober par la réflexion ce qui le concerne, et ceux qui réfléchissent tirent leçon de ses signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Vous avez vu ? Ceux qui réellement réfléchissent bien, eux, réfléchissent et méditent sur les signes, mais ils ne méditent pas sur la nature de son essence, sur l'essence même et l'entité même du Seigneur, c'est-à-dire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a une sorte de réfutation aux philosophes. Une sorte de réfutation aux philosophes. Et on peut pas s'étendre sur la discussion concernant l'émergence de la philosophie qui a été nommée la philosophie islamique. Pourquoi ? Parce que comme certains savants disent que la philosophie islamique n'existe pas en réalité. C'est venu plus tard. Il n'y a pas de philosophie islamique. Al-falsafatul islamiyya, en réalité, n'existe pas. C'est venu plus tard. Donc les gens ont essayé de réflexionner, de penser, de réfléchir, de revenir, et c'est une forme de philosophie pour que cela aboutit à un autre dogme, une autre croyance qui est en réalité dans les textes du Coran et dans la Sunna, une autre croyance que nous a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ça a été hérité de peuples anciens. C'est hérité de peuples anciens. Sachez par exemple que l'islam, par exemple, lorsque l'islam est venu, mais c'était vraiment une libération pour la raison humaine. L'islam était une libération. L'homme, en réalité, l'être humain était humilié. Était humilié. Sachez que le polythéisme est une humiliation. Le shirk est une humiliation. Regardez, de nombreuses dynasties et empires, eh ben, avaient sombré dans l'obscurité et les ténèbres du shirk et du polythéisme. C'est ça l'obscurantisme. Et regardez tous les peuples précédents qu'il y avait dans les générations et les siècles précédents. Regardez par exemple, lorsque vous regardez la mythologie grecque, qui croyait en des dieux, en des demi-dieux aussi, aux enfants de Dieu, des dieux qui auraient des compagnes et des épouses avec des enfants, et ces enfants-là seraient des demi-dieux. Vous avez vu toute cette mythologie grecque qui ensuite a été enseignée aux gens. C'est pour cela que plus tard aussi, il y aura dans des nations qui à la base, ces communautés, étaient dans un monothéisme, ils avaient reçu des prophètes et des messagers, eux aussi, eux, vont sombrer dans des formes, dans ces formes de croyances. Et c'est pour ça que l'auteur, vous avez vu, lorsqu'il stipule bien et mentionne bien ce qu'il a mentionné dans le Coran, et ce qu'on a appris que Allah Jalla wa'ala n'a ni compagne, ni d'enfant, et il se passe de tout cela. Allah Jalla wa'ala n'est pas comparable à l'être humain. L'être humain qui, lui, a besoin, comme on dit, hein, avec nos termes à nous, de sa deuxième moitié, Allah Jalla wa'ala n'a pas besoin, se passe de cela. On ne peut pas réfléchir sur Allah, subhanahu wa ta'ala, sur son essence, sur son entité. On ne peut pas. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup qui sont tombés dans ces formes de philosophie ou autres, qui ont été arrêtés hérités d'anciens peuples, vous allez voir qu'ensuite, ils sont tombés dans la confusion. Et leur vie n'était que doute et confusion. Et regardez, lorsque je vous ai dit précédemment que le monothéisme, l'islam a sauvé les gens des ténèbres et de l'obscurantisme, du fait qu'ils étaient humiliés. Regardez dans le monde des êtres humains, vous allez trouver que dans de nombreuses contrées, ils se rabaissent par exemple à adorer des endroits. Ils peuvent adorer un rocher. Il y a des gens qui adorent par exemple une montagne. Il y a des gens, par exemple, vous allez voir dans certaines contrées, des gens qui adorent un animal. Et l'animal est leur divinité. L'animal est leur divinité. Et toute leur vie est vouée à l'animal. Vous pouvez trouver des contrées, ils adorent des statues faites, par exemple. Toute forme de polythéisme. Alors ils vont adorer des dieux qui n'existent pas, des divinités qui n'existent pas. Parfois ils peuvent adorer des divinités que eux-mêmes ils ont forgées. Vous allez voir dans des endroits, eh ben, certains sont des adorateurs de tombes, donc c'est une tombe qu'ils adorent, et leur vie est vouée à cette tombe, leurs invocations, leurs offrandes, leurs demandes, leurs implorations, tout est orienté vers cette tombe, vers, par exemple, ce bout de pierre ou de marbre. Et comme cela, vous parcourez le monde, et parfois il y a des gens qui adorent une feuille d'arbre. Ça arrive. Le shirk, vous allez voir là, beaucoup d'êtres humains sont tombés dans des formes de polythéisme ajib. Des gens ont été amenés à adorer des constellations, les étoiles, comme le peuple d'Ibrahim, qui adorait le kawakib. Et comme cela. Alors certains, parmi les humains, ont adoré des humains comme eux, à la différence que ces humains, parfois, la seule différence qu'il y avait, c'est qu'ils étaient plus pieux et vertueux. Comme c'était le peuple de Nour, par exemple, ils adoraient à la base des gens qui étaient pieux et vertueux. Plus tard, avec l'évolution des siècles, les gens vont même adorer des hommes, mais qui étaient les plus pervers parmi les hommes, parmi les humains, les plus pervers parmi les humains. Et ils vont se rabaisser à les adorer. Vous voyez, dans certains pays, dans certaines contrées, ils adorent des animaux. Par exemple, il y a des animaux qui sont sacrés. Ni ils peuvent les consommer, ni ils peuvent les manger, ni ils peuvent les tuer s'il y a nuisance. Par exemple, il y a des contrées, ils adorent le rat. Le rat est leur divinité. Et d'autres contrées, ils adorent d'autres animaux. Et comme cela. Donc, en réalité, l'être humain a été humilié par l'adoration d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parfois, même, ils se sont mis à adorer des dames, des vieilles dames, des sorcières, en pensant qu'elles avaient des pouvoirs. Dans certaines contrées, pour eux, la sorcière, il faut lui vouer des actes d'adoration pour pas qu'ils aient des malheurs ou autres. Et pour ça qu'on a vu après, avec tout cela, c'est à ce moment-là, on voit que aussi ce qu'on prospérait dans certaines contrées, lorsque le polythéisme s'est propagé, par exemple, les sorciers et les sorcières, qui se sont, eh ben, qui ont exploité la faiblesse des gens, qui ont exploité, eh ben, la faiblesse des gens du fait qu'ils étaient dans des soucis, dans l'ignorance, ils ont exploité cela, et certains d'entre eux se sont enrichis, certains d'entre eux ont obtenu un rang dans la société, alors qu'ils n'étaient que rien. Et alors qu'ils n'étaient que, en réalité, des menteurs et des charlatans. Et comme cela. Et pendant des siècles, les gens ont vécu dans cela, dans le rabaissement et l'obscurantisme du polythéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a sauvé les gens en leur envoyant des prophètes et des messagers. C'est pour ça, parce que parmi les savants disent, parmi l'un des plus grands bienfaits, c'est le fait que, les plus grands bienfaits d'Allah, le fait qu'Allah ait envoyé des prophètes et des messagers aux hommes. Mais imaginez-vous, si vous auriez été des adorateurs d'une bête, d'un animal, des adorateurs d'un défunt, d'une tombe, d'un rocher, d'une pierre, d'un arbre, d'une branche, d'une étoile, de la lune, à quoi rime cela? Où est-ce que cela s'amène? Toute une vie perdue dans l'adoration d'une chose qui ni peut être bénéfique, ni profiter. Et c'est pour cela qu'ensuite, on revient à notre sujet, Allah Jalla wa Ala, eh ben, a illuminé les cœurs et a guidé les cœurs avec, ici, le fait qu'il nous a enseigné At-Tawhid, l'unicité et le monothéisme. Et pour bien parfaire ce monothéisme, donc, nous, ce qu'on sait du Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a enseigné dans son livre. Est-ce qu'en méditant, vous pouvez deviner quelque chose sur Allah? Là. Sur l'essence même d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on sait au sujet d'Allah, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a enseigné à son sujet. Ce ou les choses sur quoi Allah Jalla wa Ala, ces choses-là qu'Allah nous a pas enseignées, alors on n'outrepasse pas les limites. Et on ne dépasse pas les limites. On s'arrête. On arrive. C'est ça, at-tawakkuf. Et ensuite, l'auteur, c'est pour ça qu'il dit, وَيَعْتَبِرُ الْمُتَفَكِّرُونَ بِآيَاتِهِ. Et ceux qui réfléchissent tirent le son de ces signes et ne méditent pas sur la nature de son essence. Et ils ne peuvent, attends, il dit, ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Son siège s'étend sur plus que les cieux et la terre dont la préservation n'étant rien pesante pour lui. Il est le suprême. Maintenant, ils ont traduit un peu les noms qu'a mentionné l'auteur, mais s'ils les ont traduits, on va rester sur les termes en arabe. Donc il dit, وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَهِيَتْ ذَاتِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ثُمَّ قَالْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر. Voilà, ça c'est ce qu'a mentionné l'auteur. Maintenant, on va prendre l'explication. Donc ensuite, l'auteur nous dit que ولا يتفكرون في ماهية ذاته, et il mentionne ensuite آيات الكرسي. آيات الكرسي. Et de là, هذا هو الدليل على تحريم التفكر في ذات الله جل وعلا وهو لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et la preuve de ce que va mentionner l'auteur lorsqu'il dit, et ils ne méditent pas sur la nature de son essence, ils ne peuvent méditer sur la nature de l'entité même d'Allah, de son essence même, de son être, Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve à cela, il mentionne le début de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, lorsqu'Allah, Jalla wa Ala, traduction relative, dit Subhanahu wa ta'ala, wa la yuhituna bi shay'in Et ils ne peuvent cerner. Je vais vous lire la traduction, Inch'Allah, de ce verset, Ayatul Kursi. Allah, dans une traduction relative, dit « Et Allah, point de divinité à part lui, le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même. » Ils ont traduit « Al-Qayyum ». « Al-Qayyum » de cette manière. « Celui qui subsiste par lui-même. » Ils ont voulu expliquer « Al-Qayyum » de cette manière. « Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. » L'auteur, on va terminer quand même la traduction, ici ils ont mis son trône dans la traduction, son trône, Al-Kursi. Al-Kursi n'est pas le trône. On ne peut pas traduire le Kursi par le trône, parce que les savants disent que Al-Kursi est une chose et le trône c'est autre chose, c'est deux choses différentes. Certains ont dit que Al-Kursi et le trône c'est une chose. En réalité, les savants de la Sunna disent que Al-Kursi et le trône, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes, comme on va voir dans ce qui va suivre. Et donc, Al-Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Traduction relative du verset. L'auteur, lui, a utilisé une partie du verset qui est « Il n'embrasse que ce qu'il veut », c'est-à-dire « Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut ». L'auteur a mentionné cela. « وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشَاءَ » Et de sa science, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il n'embrasse que ce qu'il veut ». C'est-à-dire que ce qu'on connaît, c'est ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a enseigné. Et toutes ces choses qu'Allah Jalla wa'ala nous en a donné le savoir, c'est quelque chose d'infime. C'est vraiment quelque chose d'infime par rapport au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être, ce qu'il sait, même si une personne a atteint un degré de science, dans toutes les sciences, que ce soit les sciences mondaines, même si une personne a atteint un degré de science en pensant qu'il est le plus grand savant parmi tous les hommes, eh bien, ce savoir-là est un savoir qui est infime, infime par rapport au savoir immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a donné qu'une petite part de ce savoir. C'est-à-dire que même si les gens se réunissaient, les plus grands savants que cette terre n'ait jamais connus, le savoir qu'ils ont, c'est une part infime. Et Allah, Jalla wa'ala, dans le verset, nous dit « Et donc, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut, lui, subhanahu wa ta'ala. » Ce qu'il a voulu enseigner, Allah, Jalla wa'ala, l'a enseigné, Jalla, Jalalu. Il y a des choses dont Allah, ne nous a pas enseigné, subhanahu wa ta'ala. Donc, Shir nous dit que Shir Fawzan, dans son commentaire, il dit « Et ça aussi, c'est la preuve que, lorsque l'auteur dit, et ce, justement, et ne médite pas sur la nature de son essence, n'essaie pas de réfléchir sur la nature de son essence, sur son entité, pourquoi ? Parce qu'Allah, Jalla wa'ala, ne t'en a pas donné de, tu n'as pas de savoir sur cela. Ce que tu sais, c'est ce qu'Allah, Jalla wa'ala, a voulu te faire savoir. Et tu dois t'arrêter à ces limites-là, et ne pas outrepasser les limites. Ce que tu sais, ce que l'on sait, c'est ce qu'Allah Jalla wa'ala nous a enseigné, Jalla Jalalu. Ensuite il dit, فَعِلْمُ اللَّهِ وَاسِعْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مَا عَلَّمَنَا. C'est pour ça que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, est immense. Est immense. Et ce que l'on sait, nous, c'est ce qu'Allah Jalla wa'ala a voulu nous enseigner, nous faire connaître. Kama qalat al malaikatu, comme les anges lorsqu'ils ont dit Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Même les anges le disaient. Subhanak, gloire à toi, au Seigneur. La ilma lana, nous avons point de savoir. Nous avons point de science illa ma 'allamtana, si ce n'est ce que tu nous as enseigné. D'ailleurs, même les anges le reconnaissent, que leur savoir, leur connaissance est limitée. Ce qu'ils savent, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a enseigné, subhanahu wa ta'ala. Innaka antal alimu al-hakim. Wallahu Jalla wa Ala, et pour ça, dans un verset, Cheikh va nous mentionner qu'Allah dit au prophète, sallam lui-même, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Et Allah t'a enseigné ce que tu ne savais point. Même Allah Jalla wa Ala le rappelle au prophète, en lui disant qu'Allah Jalla wa Ala t'a enseigné ce que tu ne savais pas. فَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ خَلْقَهُ فَإِنَّهُمْ يَتَعَلَّمُونَهُ. Donc ce qu'Allah Jalla wa Ala a voulu enseigner à l'homme, alors l'homme va l'apprendre. Il doit l'apprendre. Toute cette science que vous voyez dans ce monde, dans cet univers, ce qu'Allah Jalla wa Ala a voulu nous faire savoir, si vous voulez de ça, il faut apprendre. On apprend. وَمَا يُعَلِّمْهُمْ إِيَّهُ فَإِنَّهُمْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أو plutôt وما لم يعلمهم إياه فإنهم يقفون عنه ولا يدخلون فيه وما يعلمونه شيء يسير في علم الله جل وعلا. Et il dit, est-ce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu nous enseigner, nous donner de savoir, alors il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas essayer de méditer, de philosopher en vain. En vain. فلا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وعلمنا إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Et donc, personne, comme Allah Jalla wa Ala dit dans le verset, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut savoir ce qu'Allah Jalla wa Ala ne lui a pas donné, on ne lui a pas permis et autorisé de savoir, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'en ce qui concerne la science de l'invisible, la science de l'inconnu, personne n'en a les clés. Personne n'a les clés de la science de l'inconnu. Et celui qui est connaisseur de cela, de l'invisible et de l'inconnu, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah dit qu'il est le savant, le connaisseur de l'invisible, de l'ghaib. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Allah, ici, dit qu'il ne fait pas connaître ce ghaib à quelqu'un. C'est-à-dire, personne n'a la connaissance de ce ghaib si ce n'est lui. C'est-à-dire de la science de al-ghaib, de l'inconnu. Sauf ceux parmi les messagers dont Allah a voulu leur donner une part de connaissance de ce qu'Allah Jalla wa Ala désire, subhanahu wa ta'ala, enseigner. Fa'innahu, Allah Jalla wa Ala, peut donner une part de connaissance de la science de l'invisible, par exemple, à qui il veut parmi les messagers. Li ajli maslahat an-nas, Cheikh nous dit, pour intérêt ou par intérêt, ici, pour que ce soit, s'il y a un intérêt pour les hommes, Allah peut donner aux prophètes et aux messagers une certaine connaissance. ليبين للناس وهذا شيء معلوم في عقيدة المسلم فالذين يزعمون أنهم يعلمون كل شيء وأنهم ارتقوا بالعلم إلى ما لا نهاية له ويفتخرون بذلك هؤلاء كذابون ما بلغوا. قال الشيخ ما بلغوا علم الله إلا شيئاً يسيراً. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner de ce savoir à qui il veut parmi les prophètes et les messagers. Et ça, c'est connu, il dit, dans la croyance des musulmans. فَالَّذِينَ يَسْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كُلِّ شَيْءٍ. Mais tandis que ceux qui prétendent connaître toute chose, alors là, c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont une science infinie, une science sans limite, qui n'a point de fin, c'est du mensonge. Et ils mentent. C'est pour cela que personne ne peut revendiquer connaître la science de l'inconnu et de l'invisible. Sachez, de notre communauté, Soufia par exemple, ils ont donné ce pouvoir de la science de l'inconnu. Ils ont donné ce pouvoir à leur maître, au chef des confréries. Ils ont donné ce pouvoir à leur shir. Ils l'ont donné au prophète, sallam. Ils ont même, ici, donné certains pouvoirs liés à la seigneurie d'Allah, à leurs mashayikh. Vous savez, pour une partie d'entre eux, certaines confréries, ils ont les convictions, ils ont la croyance que leurs mashayikh ont une part de connaissance en la science de l'invisible. Et ils ont aussi des convictions au fait que leurs mashayikh, par exemple, gèrent cet univers avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils donnent des particularités de la seigneurie d'Allah qui n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils les donnent aussi à leurs mashayikh. Vous regardez, même dans notre communauté, des gens sont tombés dans ces dérives-là. Et c'est pour ça que même certains pensent que les grands mashayikh, ensuite il y a des degrés à ce qu'ils appellent al-aqtab, les pôles. Les pôles, vraiment, c'est leurs mashayikh qui ont le plus haut degré. Le plus haut degré chez eux. Ils considèrent même que ils secourent les individus et les êtres. C'est-à-dire qu'il faut les implorer et leur demander le secours. Pourquoi ? Parce qu'ils secourent les individus. Et ce sont les intermédiaires entre le Seigneur et les êtres. Et les êtres sur terre. Donc on voit beaucoup de certaines doctrines, ne se sont pas préservés et prémunis du fait de tomber dans des formes de politisme. Que ce soit dans Ar-Rububiyya ou dans l'Uluhiyya ou dans l'Asma ou Sifat. Regardez, dans Ar-Rububiyya, ils ont donné des particularités de la seigneurie. Des choses qui n'appartiennent qu'à Allah. Par exemple, le fait de prétendre la science de l'inconnu, cela n'appartient qu'à Allah. Prétendre qu'un autre que lui connaît l'inconnu, c'est l'attribuer ou l'associer, ici, à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, comme on l'avait déjà dit dans des cours précédents, les mashayikhs de certaines confréries, par exemple, lorsqu'ils ont leurs adeptes devant eux, ce qu'ils leur ont inculqué depuis leur jeune âge, c'est « n'essaye pas de penser du mal du shirk, il le serait ». Donc ensuite, ils les mènent vers d'autres formes de polythéisme, vers certaines formes d'adoration ensuite. Par exemple, la crainte et la peur. Alors que ce que pense l'individu, ce qu'il y a dans le cœur de l'individu, nul ne peut lire ce qu'il y a dans ton cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, qui connaît les pensées, tes intentions, Allah les connaît, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on ne rentre pas dans le cas où des gens ont été possédés ou ensorcelés ou autre chose. Ensuite, ils vont chez Raqi, personne qui va aller faire une sorte d'exorcisme, ou autre, et ensuite il y a le shaitan, là, le djinn va parler, va dire des choses de la vie de l'individu. Ou bien parfois ils vont voir des sorciers, et là le sorcier va dire des choses à celui qui l'interroge, des choses liées à sa vie privée que personne ne connaissait. Et là va se dire, subhanallah, il connaît des choses de ma vie privée que personne ne connaît. Naam, c'est possible comment ? Si ce sorcier travaille avec des shayatines, avec des démons, son démon à lui, son démon inséparable, il peut se mettre en contact avec le démon de celui qui est en face. Et celui qui est en face, il va lui donner des informations sur lui, sur sa vie. Donc il va donner au démon, le démon inséparable de l'individu qui est en face, son qarin, il va donner des informations au qarin du sorcier. Celui-ci va donner les informations au sorcier, le sorcier va dire ces choses-là. Il peut dire des informations de ce genre. Donc ça peut arriver. Et ça, c'est des épreuves. Allah nous teste. Et teste les serviteurs. Par exemple, c'est déjà arrivé que des gens qui vont dans les cimetières, ils vont invoquer un mort et le mort répond. Ils entendent le mort. Le mort qui répond à ses demandes. Et à ses invocations. Ça peut arriver. Celui qui est faible, qui n'a pas une bonne croyance, une bonne conviction, il peut se faire leurrer et tromper. Et ensuite, tomber dans ce qu'on appelle al-khurafat, les légendes, en pensant que le mort entend ses demandes, ses implorations, ses invocations. Donc celui qui est faible d'esprit, qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui n'a pas une certitude sur sa connaissance, il peut dévier très très rapidement. Et tout cela, vous allez vous poser la question, Mais comment est-ce qu'il peut se produire ce genre de choses? C'est des tests et des épreuves pour les hommes. L'individu peut être éprouvé sur son tawhid, sur sa croyance. Comme à l'époque c'était célèbre. À l'époque, certains mashayikhs de confrérie, c'était connu qu'arrivé un moment, ils arrêtaient l'adoration. Ils pensaient que lorsqu'ils ont atteint un degré de piété, alors là, ils pouvaient se passer d'adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala parce que ça y est, ils ont gagné. Selon leur pensée à eux. Alors, de ce fait, ils arrêtent salat, wassiyam, et ça c'est le plus haut degré chez eux. En pensant qu'ils ont atteint un degré. Et ils se permettaient même les interdits. Et comme c'est rapporté de Abd al-Qadr al-Jilani, par exemple. Abd al-Qadr al-Jilani, un grand imam parmi les pieux et les vertueux. Parmi les pieux et les vertueux. Même certaines confréries, tellement que c'était une personne très pieuse, tellement il était vertueux, alors certains ont dit que c'était un wali min awliya illa, et certains l'ont même adoré. Alors que lui est innocent de cela. C'est une personne qui était pieuse, qui était fervent dans l'adoration d'Allah ce matin-là. Il est rapporté qu'un jour, le soir, alors qu'il était seul, une lumière est apparue. Une lumière resplendissante est apparue de loin. Et il vit une grande lumière. Et comme il y avait à travers cette lumière une sorte de grand trône illuminé et une voix retentissant lui disant « Ya Abd al-Qadr, aujourd'hui toutes les obligations ne sont plus obligations pour toi et toutes les interdictions aujourd'hui sont autorisées et permises pour toi. » Et ensuite Abd al-Qadr al-Jilani, lorsqu'il vit cela, cette lumière, ce trône resplendissant, avec cette voix retentissant, il dit « Irsay adou Allah ». En quelque sorte, si je pourrais la traduction être fidèle à la traduction, en quelque sorte, « Va-t'en ennemi d'Allah, soit perdant ennemi d'Allah ». Et ensuite, la lumière s'en alla, plus de lumière, plus rien. Et lorsque Abd al-Qadr al-Jilani raconta ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu aux gens, les gens lui ont dit « Mais comment ?» Tu n'as pas été trompé. Et tu n'as pas écouté cela. Tu n'es pas tombé dans le piège. Il a dit, lorsque j'ai su que la législation d'Allah ne serait jamais abrogée. La législation d'Allah ne serait jamais abrogée. C'est des règles, c'est la religion, c'est la compréhension, c'est la science, c'est l'ilm. Tatbiq l'ilm, l'application de la science. Les théories, il faut les mettre en pratique. Combien se sont fait leurrer à cause de cela? Ils ont entendu des voix, ils ont pensé à des choses, on leur a fait croire des choses. Regardez, la majorité des hommes, le tawhid c'est une lumière, la majorité des hommes sont superstitieux. On va pas bien loin dans notre communauté, les gens sont superstitieux. Superstitieux c'est que tu es esclave de quelque chose. Superstitieux, tu crois en des choses qui n'existent pas. Tu te fatigues. Certaines vivent dans l'intranquillité, ils sont superstitieux. Ne passe pas à cet endroit, il va t'arriver un malheur. Ne dis pas telle parole, il va t'arriver un malheur. Et leur vie n'est, ne fais pas, ne dis pas. Attention. Vous avez vu? Une intranquillité pour des choses qui n'existent pas. Regardez, même dans notre communauté, les anciennes générations, dans notre communauté parmi les musulmans, combien accordent de foi et croient fermement aux superstitions, aux contes légendaires, à certaines histoires de sorcières, de devins, de charlatans, etc. Et beaucoup sont dans l'intranquillité. Ils se perturbent. Et à cause de cette ignorance-là, ils ont même ensuite causé, le malheur de beaucoup de leurs enfants. C'était connu à l'époque, avant qu'il y ait, mashallah, cette darwa du tawhid, les gens commencent à comprendre la darwa du monothéisme, du tawhid, de l'islam. Les anciennes générations, un problème, l'été ils vont au pays, dans le village, il y a Sidi Foulen, Al-Wali Foulen, il y a la sorcière du village, le sorcier du village, le devin du village, et ils allaient, et ils dépensaient. Ils ramenaient les devises. Ils dépensaient, et ensuite c'est pour cela qu'on s'est rendu compte que, ensuite, beaucoup, par exemple, cette communauté, beaucoup de Maghrébins par exemple, ou même d'Africains ou autres, beaucoup sont touchés par exemple par des mots. Par des mots, certains n'arrivent pas à se marier. Et lorsqu'ils se marient, ça, ils sentent qu'ils ressentent des choses qui les empêchent, ou autres. On voit beaucoup sont touchés par ces malheurs dû au fait que des gens avant eux, c'est une raison, hein. Il n'y a pas que ça comme raison. C'est une raison, il n'y a pas que ça comme raison. Et ensuite, on voit que même plus tard, de ce fait-là, il y aura même une exagération. Une exagération, et beaucoup, par exemple, ensuite vont ouvrir des centres d'exorcisme, de ruqya, etc. Vous connaissez un... Vous me dites, parce que peut-être vous avez une connaissance, vous avez déjà lu, moi j'ai pas vu. Et je n'ai pas entendu. Si vous connaissez quelque chose, dites-moi. Vous avez déjà lu, par exemple, un salaf, ou un grand savant, un grand imam, était spécialiste de la ruqya? Si quelqu'un a une connaissance à un livre, chose qui rapporte dans les biographies, lisez les biographies de l'imam al-Dhahabi, ou qui fait les biographies, d'Ibn Hajar al-Asqalani, les livres de biographie. Vous connaissez les plus prédécesseurs, ils faisaient un bureau, un centre, spécialisé dans la ruqya, et tout le monde vient. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Qu'est-ce qui nous a enseigné ça? Vous savez, il y a même certains savants, ils disent, dans le fait de prendre, par exemple, c'est l'avis, hein, c'est un avis de certains savants, dans le fait de prendre, par exemple, lorsqu'une personne fait ruqya à une autre personne, le fait de prendre, c'est rapporté, il y a des récits qu'on a le droit. On a le droit d'avoir une rétribution pour cela. Mais certains conditionnent à condition qu'il y a eu profit. C'était bénéfique. C'est-à-dire, la ruqya a marché. Il y a des... Mais faire des centres, etc., les savants ne conseillent pas ces choses. Et ensuite, vous avez vu des gens qui se sont dit de la sunna, ensuite, on fait des centres, etc. Et ensuite, ça fait même tomber les gens ensuite dans l'exagération et l'excès. Une personne, un simple mal de tête, il a une migraine, il se sent mal en ce moment, il peut se trouver faible dans sa prière, il pense qu'il est possédé. Ou il pense qu'il est ensorcelé. Là, il y a d'autres explications. Donc il faut pas sombrer dans les excès, dans l'exagération. Et dans la peur. Dans la peur. Allah nous dit, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne les craignez point, mais craignez-moi, si certes vous êtes réellement croyants. Les chayatines veulent nous faire peur. Ils veulent nous faire peur. C'est pour ça que même pour jouer, il est rapporté que, il est dit, les savants nous enseignent que même pour jouer, on ne se fait pas peur. Dans l'éducation des enfants, il ne faut pas jouer avec eux, leur faire peur. Les contes là, qui font peur. Certains qui font montrer à leurs enfants, par exemple, certains qui regardent avec leurs enfants, comme on dit, des films d'horreur ou autre. Fais pas des choses comme ça. Faut pas se faire peur. Faut pas faire peur aux gens. Faut pas créer cet effroi chez les gens. Le croyant, sa peur est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas parler du sujet de la peur, parce que ensuite il y a des différentes catégories de peur. Le fait d'avoir peur d'un animal féroce, là, on ne parle pas de ça. C'est une peur naturelle. Mais on parle de la peur d'adoration. La peur secrète. Parce qu'on parle d'une peur, al-khawf sirr, la peur secrète. Vous avez vu, le tawhid, c'est toute une éducation. Celui qui connaît le tawhid, qui le met en pratique, c'est une lumière. Il est sorti des ténèbres. Il comprend toutes les choses. Il commence à comprendre. Regardez, il observe cet univers. Il sait que cet univers, c'est quoi? Il y a des gens qui marchent dans cet univers. Ils marchent dans ce monde. Ils voient toute cette création, la beauté de cette création. Ils ne savent pas que c'est les signes prouvant l'existence du Seigneur. Toi, lorsque tu marches dans une forêt, tu vois des lacs, des beaux paysages, des montagnes, la neige, par exemple, pour ceux qui aiment. Ça vous prouve l'existence du Seigneur, méditez, contemplez. Le ciel, les constellations, ça prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'individu marche sur terre, il connaît sa fonction. Pourquoi est-ce qu'il est sur terre? Pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa'ala t'a donné existence? Il sait ce qu'Allah veut de lui. Et il sait ce qu'Allah ne veut. Par contre, point de lui. Il sait les devoirs qu'il doit à son Seigneur. Et il sait par contre les interdictions dont il doit s'écarter et éviter. Fawa ala ilm. Donc il est sur une science. Et la science, ça apaise. Vous savez, hein? C'est pour ça que c'est très important. Quand vous avez l'opportunité de visiter des ulama, des savants, vous allez voir des gens qui, à travers déjà leurs cours, qui dispensent, mais aussi si vous avez, c'est pour ça que c'est bien, un savant, de marcher avec lui, de voir comment il se comporte, ou autre, vous allez voir des gens simples qui ne s'imposent pas des charges, qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur une science, ils connaissent leur Seigneur, ils connaissent leurs devoirs, ils connaissent les interdits qu'il faut éviter. Contrairement à beaucoup de jeunes, parfois on s'interdit des choses qui ne sont pas interdites dans la religion, et parfois on se permet des choses qui sont interdites dans la religion. Parfois on se complique les choses, alors qu'il n'y avait pas à se compliquer. Parfois, on alourdit les choses. C'est pour ça que l'imam Al-Albani disait une très belle parole. Il disait « Ad-da'watu salafiyya thaqilatun ala nufus, fala tuthaqiluha bisu'il mu'amalat. » Il disait « Adihi ad-da'wa salafiyya. » Il disait « Elle est lourde pour les âmes. » Pour les âmes. Ne la rendez pas encore plus lourde avec le mauvais relationnel et le mauvais comportement. C'est déjà quelque chose de lourd. Il faut apaiser les choses. « Wa hakada. » Tfadal al-haj. Al-shaykh afwan. On dit pas « haj ». Parce que le terme « haj » aussi, ça n'existait pas. Al-Hajj, c'est Wahad, il a fait son Hajj, khalas. On ne dit pas Al-Hajj. Al-Hajj, khalas, il a fait son Hajj, c'est une ibada, on n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Et le terme Hajj, ce n'était pas rapporté de nos pieux prédécesseurs qui disaient le terme Hajj. Donc même ces expressions-là. Attendez, Al-Shir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ensuite, Shir, donc, l'auteur, lorsqu'il a mentionné donc Ayat al-Kursi, il va nous parler du Kursi, pour nous faire montrer ici l'immensité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que, d'abord, al-Kursi est makhluq. Le Kursi est créé. Le Kursi est créé. Comme le Arsh fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Il est dit, les savants nous disent que l'arche, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande des créatures d'Allah, la plus grande des créations. Subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut concevoir l'immensité du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fa al-kursi est taht al-arsh, Cheikh nous dit. Fa al-arsh wa a'zam minhu. Le trône est encore plus immense et grand que al-kursi. Quel kursi? Et justement, dans des récits, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les sept cieux, si on devait comparer les sept cieux, vous avez vu l'immensité des cieux. Et entre chaque cieux, il y a la distance de 500 ans de marche. Et si on veut, et c'est comparé, alors si vous regardez, vous observez l'immensité des cieux, de ces sept cieux, comparé au kursi, alors dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce ne sont, plutôt il dit, les sept cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. C'est-à-dire, c'est les sept cieux comparés au kursi, c'est comme si on prend un petit anneau et on le jette dans le désert. Il va être insignifiant. Cet anneau-là, dans le désert, il est insignifiant par rapport à l'étendue du désert. Et bien, si vous voulez comparer al-kursi et donc les cieux, et ben c'est comparable, comme si vous prenez un anneau, vous le jetez dans le désert, dans le désert. Et maintenant aussi dans le récit, le prophète sallam nous dit, et la grandeur du trône par rapport au kursi est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de fer. Et al-arsh par rapport au kursi, et ben de même, c'est comme cet anneau de fer par rapport au désert. Par rapport au désert, ou plutôt il dit, la grandeur du trône par rapport au kursi est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau. Et ça, c'est rapporté par Abu Nu'aym, et c'était authentifié par l'imam al-Albani. Il authentifie le hadith. Donc ça, ça nous prouve l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le trône ne peut venir dans le sens du royaume, comme certains ont voulu le prétendu, certains qui ont essayé de donner des interprétations et ne pas rester sur les enseignements comme ils nous ont été rapportés et enseignés. Alors, on veut dire que le trône, c'est dans le sens du royaume. Mais c'est faux, pourquoi? Parce qu'on a d'autres versets où Allah nous dit que le trône est porté par des anges. Les anges qui portent le trône. Thamaniya. Huit anges. Immense. On peut concevoir et s'imaginer la grandeur, l'immensité de ces anges. Ce sont les anges les plus rapprochés d'Allah. Ils porteront le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça dénote ici l'immensité, la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un récit qui est rapporté dans le tafsir de Surat al-Baqarah, de Surat la Vache, l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari rapporte un récit que lui, Cheikh Al-Fawzan, va mentionner ici. Que Cheikh ici va mentionner ici. Il dit, ce récit est dit, après il faut chercher sur l'authenticité. Il dit dans le récit, « Ma samawati saba fil kursi, les sept cieux par rapport au kursi sont comme sept darahim. » Darahim, c'est de la monnaie d'argent. Dinar, à l'époque, c'était de la monnaie d'or, min dahab, et wad darahim, c'est de la monnaie de fudda, d'argent. Et bien, c'est comme si que vous prenez 7 dinar, ici, ou darahim, et vous les jetez dans une chose qu'on appelle et tours. Et tours, à l'époque, c'était une sorte d'étui qui était fait de peau, de jild, de cuir, ou bien de khashab, de bois. Et dans cet étui, les gens mettaient leurs flèches ou leurs épées. Cet endroit, ou cette chose, hein, cet étui qui était fait de peau, ou bien de bois, et où ils mettaient leurs flèches ou leurs épées, ils appelaient ça et tors, Ça s'appelait Tors. Dans le récit, il est dit, ce récit que vous pouvez trouver dans le tafsir de Surat al-Baqarah, de l'imam al-Tabari, il rapporte ce récit, qui en fait dit que les sept cieux par rapport au Kursi, c'est comme sept dinars, plutôt sept dirhams. Sept dirhams que vous jetez dans cet étui. Que vous jetez dans l'étui. C'est insignifiant. C'est pour prouver l'insignifiance ici. L'insignifiance des cieux par rapport au Kursi. Comme on l'a dit dans le hadith précédent. Et ensuite, Shirva. Donc, on continuera, Inch'Allah, la fois prochaine. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.